Prefondation, oui, c'était le local des Italiens, on l'appelait. Et puis au moins, quand on arrivait là-dedans, on savait où on était, parce qu'il y avait un gros truc là. La faucille et le marteau sur la poutre centrale. Je me souviens, sur un bonhomme, il n'avait pas atterri là, et j'ai cru qu'il faisait une attaque. On devait parler de choses parfois très personnel, mais en même temps il y avait un bruit absolument fou entre la télévision et puis les gueulés entre copains italiens qui ne s'attendaient pas sur je ne sais quelle nuance politique en Italie. Et puis les gens me racontaient parfois des choses très difficiles de leur vie, mais ça ne gênait pas puisque personne n'entendait rien, personne ne s'écoutait. Et très souvent j'écrivais des lettres sur place directement, j'écris à la main parce que moi l'informatique c'est pas mon truc. Moi, j'ai grandi dans un village où on avait les trois degrés dans le même local. Donc, on avait un prof, un grand gaillard d'un mètre, presque deux mètres. Et puis, il disait, il faut que ça soit une ruche, il ne faut pas que vous fassiez trop de bruit, mais vous êtes obligés de communiquer entre vous. Hein. Et puis, on prend l'habitude du bruit. Hein. Moi, j'écris n'importe où. Au contraire, quand c'est trop silencieux, j'ai un peu tendance à m'endormir. Puis c'est la musique à la place du marché, c'est les petites fêtes de quartier, les fêtes des voisins qui font tout le bruit, mais c'est tout relatif, hein, on est en Suisse. Hein. À 10h le soir, ils commencent déjà à baisser les amplis. C'est terrible. Oui. Ah oui, alors les sons aussi, on sait qui me fait toujours rigoler, c'est dans les immeubles où il y a aussi des musulmans, alors quand ils font ramadan, ils font la fête toute la nuit. Justement, il y avait des jeunes dans mon quartier ils m'ont prévenu, ils m'ont dit on risque de faire du bruit. Ils se sont dit la vieille, il faut qu'on la prévienne, quelle horreur. Puis moi je dis mais écoutez, si vous faites trop de bruit et que vous m'empêchez de dormir, je viens faire la fête avec vous, ma foi. Organisez-vous.